vu, le récit national de l'histoire de France a reconnu et a retenu le parcours exceptionnel de l'abbé Dubois en tant qu'unique précepteur du duc de Chartres, et c'est de ce dont je vais vous parler. C'est donc bien une lunette particulièrement singulière, et on l'a vu avec le film, avec l'image du film grâce à Alexandre, une lunette tout à fait singulière donc, qui efface l'ensemble du personnel d'éducation d'un prince, et surtout la structure d'éducation de ces princes. En outre, c'est une lunette tout à fait déformante, celle qui juge, et là encore, vous l'avez montré, celle qui juge pour réprouver les particularités de ses parents, par les particularités de ses parents, homosexualité, germanité, voire incrédulité pour le cardinal. Et comme si elles étaient la porte d'entrée à la cour de Louis XIV. Or, un prince comme le duc de Chartres, si proche du pouvoir, est d'abord un enfant. C'est pour ça que je vais vous faire faire un saut une trentaine d'années auparavant par rapport à l'exposé précédent. Donc, le duc de Chartres est d'abord, comme tout prince, un enfant d'abord éduqué hors de la cour, puis présenté à la cour, puis intégré à l'armée. Ce sont les trois épisodes qui gèrent son enfance douzaine d'années. Ça dure à peu près 10-12 ans, l'enfance d'un prince, à cette époque, bien évidemment. Et ce sont ces trois époques qui organisent sa maison et ses fidélités curiales et qui lui permettront d'exercer le pouvoir princier. Comme l'écrit son sous-gouverneur Fontenay-Nocé, « Vous passerez votre vie à la cour et à l'armée, monseigneur. Pensez donc sérieusement, s'il vous plaît, à bien remplir la place que vous devez tenir en ces lieux-là. Faites tous vos efforts pour devenir grand capitaine, pour être habile et sage courtisan. Si vous négligiez d'acquérir ces qualités, votre vie ne serait ni heureuse ni glorieuse. » Voilà ce que lui dit son sous-gouverneur. L'éducation de Philippe d'Orléans prend place, pour rappeler le contexte, prend place quand s'achève celle du grand dauphin et qu'a à peine commencé celle de Bourgogne et ses frères. Il est cependant éduqué en même temps que le duc du Maine, Toulouse, Vermandois, Conti et Condé. La cour est donc une véritable pépinière de princes dans cette décennie des années 80. Autant d'exemples à observer, autant de théories à construire, pour lesquelles sont convoqués les plus grands penseurs qui se font alors pédagogues. C'est l'époque des rédactions des plans d'éducation, des plans d'études, des maximes d'éducation, des traités des études des garçons, aussi bien que des filles. Il convient donc d'ajuster un nouveau focus pour continuer à filer la métaphore optique et scientifique afin de déterminer la place de Guillaume Dubois dans l'éducation du duc de Chartres, non pas comme ce joueur de fléchettes que je vous ai affiché, qui est donc exposé dans le tableau de Jouvenet, qui, lors de son achat en février 1898 par Carnavalet, n'a pu être envisagé que comme le double portrait de l'abbé Dubois s'amusant avec son élève. Il convient plutôt, aujourd'hui, de reconsidérer la physionomie d'esprit, comme le dit le duc de Saint-Simon, de reconsidérer la trajectoire brillante de la comète Dubois sur le tracé ouvert par mes illustres devanciers, Chaussignan-Nogaret, Jean-Pierre Thomas et vous, mon cher Alexandre, tout en donc recontextualisant ce qui fait l'éducation d'un prince entre 1674 et 1691, tout en essayant d'ajuster quelques points sur le personnel d'éducation, je vais donc envisager devant vous ce que le prince a effectivement appris, sous l'impulsion ou non de Dubois. La première éducation est entre les mains des femmes, et ces femmes ont été choisies par la duchesse d'Orléans, que je vous montre jeune, parce qu'on la voit rarement jeune. Elle a choisi Madame la maréchale de Clérambault, une gouvernante qui est une femme parfaitement instruite, une femme savante au sens réel du terme, qui connaissait son latin, qui connaissait ses auteurs et qui connaissait également, ce qui est deux compétences importantes pour les gouvernantes de princes, qui connaissait évidemment les mœurs de la cour et l'étiquette. Tout cela convient parfaitement à Madame Palatine, qui en fait son amie pendant 50 ans. Donc la maréchale de Clérambault, c'est elle qui va décider de l'éducation pendant 7 à 8 ans et organiser l'éducation de l'ensemble des princes et des princesses chez les Orléans. L'éducation se passe à Saint-Cloud, vous le savez. Saint-Cloud, c'est l'époque où le duc d'Orléans décide de reconstruire et de redécorer Saint-Cloud. Et il va convier donc à une grande fête d'inauguration en octobre 78 l'ensemble de la cour. Et une dizaine de jours après cette fête, fin octobre, le duc de Chartres, qui a 4 ans, tombe malade. On parle d'apoplexie. À mon avis, apoplexie, c'est simplement qu'il a déjà trop mangé, trop fatigué, il s'est trop amusé. Mais loin de devoir en rire, la situation est extrêmement grave pour cet enfant de 4 ans qui est ramené au palais royal. Son état est extrêmement critique. Le roi, la reine et le dauphin le visitent. Monsieur communie comme il peut devant la chasse de Sainte-Geneviève. Et on a deux lettres, la lettre de privée qui parle de cet enfant de 4 ans. D'abord, le médecin Bourdelot, médecin du prince de Condé, qui dit qu'il a une fièvre continue, double tierce, et qu'on va le ressaigner. Je vous rappelle, il s'agit d'un enfant de 4 ans. Et on a la lettre de Madame Rabutin, dont son mari devait envier le style. Monsieur de Chartres a pensé mourir. Il se porte mieux. Le roi en pleura. Monsieur fut au désespoir. Madame tira l'épée du chevalier de Beuvron pour se tuer. Et c'est le fait que cette maladie d'un enfant, d'un prince de 4 ans, se retrouve dans plusieurs lettres privées, souligne l'importance accordée aux enfants, contrairement à ce qui est encore trop souvent dit. Il faut rappeler cependant le contexte particulier dans la famille Orléans, rappeler la mort récente du premier fils du couple, Louis-Alexandre, qui est mort 2 ans auparavant. Il faut rappeler en outre, à la génération précédente, la mort du seul héritier mâle de Gaston d'Orléans, qui fait craindre réellement encore une fois que la famille d'Orléans ne tombe en quenouille. Les maladies infantiles sont donc bien des affaires politiques notables à la cour. Le duc de Chartres se remet heureusement de cette très sérieuse alerte et au printemps suivant, son père décide de lui donner un précepteur, alors qu'il est toujours entre les mains d'une gouvernante et il a 5 ans. Là encore, l'affaire est digne d'être publiée. Et elle est publiée dans la Gazette. Le précepteur, vous le savez tous, c'est Saint-Laurent, précepteur de Monsieur le duc de Chartres. En fait, c'est qu'il se prépare dans la famille un événement absolument considérable, qui est le mariage de la sœur aînée, que vous voyez là dans un cadre. Marie-Louise épouse Charles d'Habsbourg et va devenir reine d'Espagne. Donc la maison des enfants Orléans est complètement désorganisée. Les femmes et la gouvernante vont partir suivre la princesse, l'accompagner à la frontière. Il faut donc quelqu'un pour s'occuper du petit duc de Chartres et il est ainsi confié plusieurs heures par jour à son précepteur Saint-Laurent. C'est la raison de la nomination de... Je bute toujours sur le mot précepteur et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. En tout cas, c'est le titre qu'on lui donne. En prévision du mariage, le jeune duc doit donc apprendre les contenances, l'étiquette. Il reçoit des cours de danse et de maintien. Tout cela d'abord pour être présenté à la cour et pour recevoir l'ambassadeur d'Espagne à Saint-Cloud et être digne de recevoir avec ses parents l'ambassadeur d'Espagne. Il est présenté à la cour, c'est encore une sorte de cérémonie qui marque l'enfance des jeunes princes et princesses. La présentation à la cour a lieu le 20 août 79 à Saint-Germain. Le duc de Chartres, âgé de 5 ans avec sa famille, se rend à Saint-Germain pour dîner avec le roi, et le lendemain, il a l'honneur de donner sa chemise au prince. Le voilà donc intégré à 5 ans dans le cérémonial de cour. Il assiste donc au mariage de sa sœur, puis il la voit partir à Madrid, il voit partir la maréchale de Clérambeau et toutes les femmes qui l'accompagnent, et quand la maréchale revient, elle est renvoyée. Mais cela concerne beaucoup moins le duc de Chartres, qui à cette époque-là, à 5 ans, c'est très précoce dans l'éducation des princes, est confié aux hommes. Définitivement, il n'aura plus de personnel féminin. J'ai oublié de vous montrer le mariage. Voilà. Et ce sont donc bien les hommes qui élèvent le duc de Chartres dont je vais vous parler. Le duc de Chartres a reçu de Louis XIV le titre de petit-fils de France qui est créé spécialement pour lui et qui le place au-dessus des princes de sang. Cela le contraint à des prérogatives nouvelles à la cour, au lever, au coucher, au souper du roi et à la chapelle quand son père ne peut être présent. Pour ce faire, il lui faut une maison, une domesticité. Et cette maison est composée d'une quinzaine d'hommes. Je n'ai mis que ceux qui s'occupent directement de l'éducation. À la tête se trouve un gouverneur qui dirige la vie courante, l'éducation, le budget et la protection du prince. Le premier gouverneur, c'est Brûlart de Sillery. Louis XIV a l'initiative de la nomination dans cette maison des Orléans. Et il va nommer, en accord avec son frère, des familiers de leur propre enfance. Sillery est de la famille Puisieux. Il est aussi de la famille de la gouvernante. Il y a donc une continuité. Et le deuxième gouverneur sera Navaillès, là encore, de l'enfance de Louis XIV et de son frère. La continuité prime dans la maison pour le neveu ou pour le fils. À la suite de la mort de trois gouverneurs, Louis XIV va vouloir assurer la continuité de l'éducation et va nommer deux sous-gouverneurs qui entourent et qui forment cette maison. Alors, je reviens au précepteur, c'est Nicolas Parisot de Saint-Laurent. Il a 56 ans et lui aussi appartient à la génération précédente. Lui aussi sert le duc d'Anjou, c'est-à-dire monsieur, c'est-à-dire Philippe, depuis ses 12 ans, depuis la Fronde. Donc, il faut avoir ces continuités présentes à l'esprit. Il a un titre pompeux de sous-introducteur des ambassadeurs, mais bien plus, c'est un fidèle de la maison. Il se fait aider par un lecteur, Frémont, par un grammairien Saulnier, qui se retire en 83, et c'est à ce moment que Dubois arrive. Le 15 juin 83, il est désigné sous-précepteur pour 500 livres de gage. Et Saint-Simon le dira bien plus tard, je cite la phrase, et toutes ces citations sont connues, « Saint-Laurent s'en servit pour l'écritoire d'études de Monsieur le duc de Chartres, il l'introduisit à l'étude du prince pour lui aider à préparer ses leçons, à écrire ses thèmes, à le soulager lui-même, à chercher les mots dans le dictionnaire. » Et beaucoup plus tard, il dit « Mais vous pouvez me croire puisque je l'ai vu mille fois dans ses commencements. » Alors, j'apprécie beaucoup ce que dit Saint-Simon puisqu'il montre là ce travail invisible des professeurs, ce travail qu'on n'estime absolument pas... quand on les voit en dehors de la classe, l'aider à préparer ses leçons, écrire ses thèmes, chercher les mots dans le dictionnaire. Voilà. Donc, il n'a pas enseigné au début, c'est ça que je veux vous dire, mais il est l'aide de préparation des cours. On est en 83. Saint-Simon, donc, voit... Saint-Simon est enfant. Je me demande comment il voit. Ne l'oublions pas. Donc, l'équipe préceptorale est donc constituée de trois hommes, on va le dire, on ne sait pas, enfin, je dis trois hommes, peut-être y en a-t-il eu d'autres. Cette éducation se situe dans un milieu enseignant de très grande qualité, proche des milieux ecclésiastiques. Tous ces hommes travaillent dans les collèges de la rive gauche, sont donc des enseignants formés dans le contexte de la re-christianisation des mœurs qui s'affirme sous le précepteur Bossuet, précepteur du Grand Dauphin. Le duc de Chartres a donc une maison conforme à celle des fils de France. Il n'a pas une maison indépendante de celle de son père et il est protégé par la maison militaire, en partie par la maison militaire du roi. Et donc, si important que fussent les sous-gouverneurs en titre, c'est bien Saint-Laurent aidé par Dubois qui donne les leçons tout en gouvernant le prince. Alors Racine tourne en plaisanterie la rigueur de Saint-Laurent. Il l'a juste empêché de manger des friandises. Il l'empêchait le plus qu'il pouvait, ça veut dire qu'il n'y arrivait pas. Il l'empêchait le plus qu'il pouvait d'aller aux comédies et aux opéras. Il s'agit bien là de mettre en avant la rigueur janséniste sur les spectacles et le contrôle des excès alimentaires face à la maison de monsieur qui soufflait les plaisirs. La ligne de conduite est difficile à tenir par Saint-Laurent. Elle sera tenue par Saint-Laurent et sera tenue par Dubois. Il est bien évidemment aidé en cela par Madame Palatine, qui est extrêmement attentive à l'éducation de ses enfants. Attention toute allemande et attention toute protestante également. On le voit très nettement dans le reste de l'Europe. C'est la raison pour laquelle, vers 8 ans, au moment où il passe aux hommes, eh bien, le petit duc de Chartres est peint en César. Je répète qu'il a une éducation qui est très proche de celle du dauphin et il est peint en César, comme le fut Louis XIV, au même âge. Donc il y a véritablement la volonté d'utiliser le même protocole d'éducation. En février 84, paraît un texte, Les Étrennes, dans le Mercure Galant. Un texte assez étonnant, parce que, bien évidemment, c'est pour l'anniversaire du duc de Chartres, à une époque où, je vous le signale, on ne fête pas les anniversaires. Donc pourquoi publier un texte pour montrer les progrès du duc de Chartres qui a 10 ans, un texte évidemment élogieux, hagiographique, rendre public ses qualités d'un enfant de 10 ans, admirable par sa vivacité, grande pénétration, facilité surprenante à apprendre, un jugement fort au-dessus de son âge, évidemment c'est beaucoup trop, mais même si on en enlève un peu, ça montre quand même un enfant brillantissime. À la suite de ces étrennes, c'est un madrigal, et le madrigal montre évidemment que le duc de Chartres marche sur la trace des deux héros d'alors, son père et son oncle, à l'armée. Cet article de presse entre bien dans le processus de propagande curiale, système que Dubois agite, anime et a parfaitement saisi. C'est ainsi donc que mettre l'accent sur les progrès du prince grâce à l'éducation ne peut servir qu'à ceux qui en sont responsables. L'année de ses 12 ans, de ses 11 ans, 12 ans, 13 ans, le duc de Chartres est présent à de très nombreuses cérémonies, ambassade de Venise, ambassade du Siam, pompeux carrousel des galantes amazones, mais il ne peut y participer étant trop jeune et ne montant pas à cheval, du moins pas assez bien et assez correctement pour être présenté à la cour. Cependant, il est présent dans la tribune, il est tellement présent qu'il attrape une insolation. Donc voilà, il est ravi de l'activité à la cour. Il est ensuite présent lors du chapitre de chevalier de l'ordre du Saint-Esprit, puisque le dimanche de Pentecôte, en juin 86, le jour de la Pentecôte à Versailles, Louis XIV va recevoir les quatre cousins, qui vont le saluer de front et recevoir donc l'ordre du Saint-Esprit. L'avis de cour donc le ravit, même s'il évidemment il continue ses études sur lesquelles on a peu d'informations. Cependant, Madame Palatine explique que la cérémonie de l'ordre a bien fait son affaire, qu'en matière de cérémonie, il apprécie énormément et il aime à singer les grandes personnes. À cette époque, il apprend l'histoire de France, l'histoire sainte, la religion, selon une grande modalité de ses éducations, et il apprend également la géographie avec ce formidable maître de géographie qui est Guillaume de Lille, qui lui fournit ce globe. On le sait, les ouvrages d'éducation passent d'un prince à l'autre. Le modèle, c'est le modèle d'éducation de Montausier et de Bossuet. Et on sait également qu'une première copie de l'Histoire de France de Bossuet a été faite en novembre 86. Il semble que le bénéficiaire en fut le duc de Chartres, bien plus que le trop jeune duc de Bourgogne, qui n'apprend pas l'histoire à cet âge-là, comme on le dit souvent. Saint-Laurent aurait également fait copier la morale, la connaissance de Dieu et de soi-même par Bossuet, qui est encore un texte manuscrit. Mais à partir de 86, on voit l'accent qui est mis sur les sciences, et monsieur aurait demandé que son fils soit instruit en mathématiques et en physique dans l'objectif de tenir son rang à l'armée. Monsieur fait embaucher des mécaniciens, comme on dit à cette époque, c'est-à-dire des spécialistes de la mécanique, qui est une science de la physique et qui va participer à la révolution scientifique que l'on voit se développer en ce milieu XVIIe siècle. Joseph Sauveur fait des cours de rattrapage pour le duc de Bourbon à Chantilly, qui lui n'est pas très doué. Joseph Sauveur va en tirer un ouvrage qui s'appelle Les éléments de géométrie, puis Géométrie pratique élémentaire, qui seront un succès pour cette physique expérimentale. L'abbé Truchet est un mécanicien, c'est-à-dire qu'il crée des mécaniques et des objets animés. Et un troisième homme apparaît, c'est Guillaume Humbert, pressenti pour venir en 83 à Paris, Mais Colbert meurt et immédiatement, Humbert, qui se trouve sans protection, passe sous la protection des Orléans, bien plus que celle de Louvois. C'est donc ces trois hommes qui vont participer à l'intérêt pour les sciences, à l'hydraulique, à leur application pratique dans l'aménagement du territoire qu'utiliseront la famille Orléans. Le duc de Chartres n'est pas simplement instruit en mécanique et physique, il se rend à l'Académie des sciences. Il prend contact avec les académiciens des sciences en tant qu'enfant. Vous imaginez un enfant aller à l'Académie des sciences. Ses cousins, eux, ne s'y déplacent pas. On ne sait pas qui sont les personnes. On aurait bien aimé savoir qui sont les personnes qui l'accompagnent. Elles ne sont pas dignes d'être indiquées, bien évidemment. Donc, non seulement il se rend, mais il participe activement. Il fait quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il fait quelque chose pour participer à une observation en juillet 86, puis en 91, et ce n'est rien moins que l'observation des quatre satellites de Jupiter, Galilée, etc. Et donc c'est quand même une grande opération d'observation, et peu d'autres princes y ont assisté à cette observation. Saint-Simon, va donc engager Saint-Simon à s'y rendre à son tour. Mais voilà le problème. Saint-Laurent meurt en août 87. Le duc de Chartres est très affecté. Mais je lis ce qu'on dit, bien que vous connaissez tous. Il a crié des cris effroyables, se jetant non point sur le lit, mais sur le lit de Monsieur de Saint-Laurent qui était encore dans sa chambre. C'est ça qui me fait dire que Saint-Laurent n'était pas un précepteur présent uniquement lors des leçons, comme on appelle un précepteur, mais qu'il était bien plutôt un gouverneur, voire un sous-gouverneur vivant en permanence. Le soir même, évidemment, le jeune prince prie son père de reconduire ses éducateurs. Le soir même, l'abbé Dubois sait qu'il sera précepteur pour 1000 livres d'appointement. Ainsi s'achevait donc cette première période avec une équipe multiple. Et on passe à une deuxième période à partir de 87 jusqu'en 90, trois ans donc très courts pour finir l'éducation, si je puis me permettre de parler de finir l'éducation, achever l'éducation du duc de Chartres, avec deux personnes essentielles, René Darcy, le gouverneur, et Guillaume Dubois. C'est donc la période où l'abbé Dubois est réellement seul, mis à part le gouverneur et sous-gouverneur. Et c'est l'époque, bien évidemment, du plan d'études de juillet 88, qui est le seul texte connu de l'abbé Dubois. J'aimerais beaucoup trouver d'autres sources d'éducation. Ça aurait augmenté cette présentation. Donc voilà un plan-programme demandé par monsieur pour, et qui est tout à fait conjoncturel. L'éducation est en train de s'achever. Le prince a 14 ans. On ne peut pas tirer plus longtemps l'éducation. Le prince va partir à la guerre. Et donc, monsieur demande au précepteur de lui dire « Bon, bah, alors, que reste-t-il à voir? Que peut-on faire? Et dites-moi en combien de temps cela peut être fait ?» C'est donc un programme, un plan-programme qui n'est pas destiné à être publié, qui est une discussion entre le père et le précepteur. Et c'est là que, évidemment, les phrases sont connues. Il est né avec beaucoup d'esprit, il a beaucoup de bon sens. Quand on lui propose quelque chose de difficile, il sait parfaitement répondre. Il est éloigné du pédant. Il a un génie particulier pour les affaires, ce qui paraît lorsqu'on lui a fait lire l'histoire. Donc c'est comme ça qu'on n'apprend pas l'histoire, on lit l'histoire, comme on lit des romans à cette époque. C'est une manière de présenter l'histoire. L'histoire, justement, la phrase continue, par la facilité qu'il a à démêler les intrigues les plus délicates et les plus embarrassées. On n'apprend pas la chronologie, ça ne sert à rien, on lit pour démêler les intrigues. Ainsi, on voit qu'il a un esprit bien cultivé et ces qualités que je viens de dire sont pour donner au père. C'est le bulletin scolaire au papa. Hein, rien d'autre. Enfin, excusez-moi pour la familiarité. Donc, ce texte continue en étant plein de bon sens pour une bonne perception et montrant la bonne perception de la pédagogie de Dubois. L'enfant n'aime pas être mené par force, comme tout enfant, mais il ne faut donc pas lui parler de divertissement, sauf si on veut les lui donner. L'enfant est la peine, bien évidemment, les enfants n'aiment pas travailler, mais une fois qu'il s'est donné de mal, il en est ravi. Il faut lui répéter le soir les mots difficiles. Et on commence à voir le caractère poindre dès l'enfance. Il aime la table, donc il faut lui louer les avantages de la sobriété. Il témoigne toujours de l'humour de Philippe de Chartres. Il tourne en ridicule les maîtres complaisants. Et Dubois n'hésite pas, puisque c'est une lettre privée, j'insiste bien, n'hésite pas à critiquer les éducateurs, et notamment son gouverneur, le duc de la Vieuville, qui lui propose des vues basses. Le confesseur est rue des chagrins. Vous voyez, donc il y a une critique. Et il y a 30 personnes qui soufflent le plaisir. Ça, c'est pas possible. Dubois tente donc de définir avec le père les règles de la maison. Et il propose d'entourer le duc de Chartres d'honnêtes gens qui aient du goût, de faire fuir les gens du tiers-ordre plat. Il faut donc, et comme ça se fait traditionnellement dans ces éducations, pour éviter la corruption par de mauvaises compagnies, discuter avec le prince, avec des personnes instruites. Ce n'est pas simplement une discussion, c'est développer des arguments. Et je cite, « faire parler par un homme d'esprit sur les auteurs vus, faire connaître les passages les plus remarquables et discuter ». Donc il s'agit bien de développer une argumentation. Et qui mieux que Fontenelle pour favoriser l'émulation par la vertu. Fontenelle est un familier du sous-gouverneur Fontenelle Nocé et de Madame de la Sablière et du milieu Gomberville, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très proche déjà du sous-gouverneur. Et là va se créer un foyer de rencontres normand qui, lui, de ses premiers feux dans ces années 1690. On y retrouve le philosophe rouennais Bernard de Fontenelle, bientôt l'auteur de l'entretien de la pluralité des mondes et secrétaire de l'Académie royale des sciences, mais là, il est tout jeune également comme l'historien cauchois Vertot, tout jeune également comme les frères de Saint-Pierre. L'un va devenir confesseur de la duchesse d'Orléans et Charles-Irénée de Saint-Pierre, ce diplomate favorable à une paix perpétuelle et grand réformateur de l'éducation, sera le futur aumônier de la future duchesse d'Orléans. Charles de Saint-Pierre est proche de Pierre de Varignon, de l'Académie de Caen, évidemment lié avec Pierre d'Anneluette, sous-précepteur du Grand Dauphin. On a un tout petit milieu normand à cette époque qui est tous sont dans l'entourage de Philippe d'Orléans. Un tout petit monde, donc, qui s'emploie à des rêves d'hommes de bien, comme le dira Dubois en 1717. Tous ont une foi indécise, un manque évident de vocation sacerdotale, beaucoup manquent de fortune ou de santé pour servir sous les armes. Tous sont inquiets de la situation du royaume et voire de l'Europe saturée de guerre et de misère. Et de ces inquiétudes émergent des projets de réforme sur le pouvoir, mais aussi des projets d'éducation pour les princes. Certains participent déjà à des cercles de réflexion plus ou moins discrets. Il y a l'Académie de l'abbé de Choisy, mais bientôt il y a celle de Torcy et puis celle d'Alary. Le gouverneur Darcy défend au duc de Chartres, à son élève, de se montrer dans une assemblée où il a été invité. Donc on sait qu'il y participe, on sait que l'ensemble du groupe préceptoral participe, mais il ne faut pas que le duc de Chartres se montre. Et sans doute, les brouillons de 88 de Dubois sont-ils les reliefs de ces discussions enfiévrées. Alors, que retenir et que faire pour l'éducation du duc de Chartres en 88? Il reste un an, il reste deux ans. Il faut le perfectionner dans le rang qu'il tient. On ne naît plus prince avec des vertus. On devient prince et il faut travailler pour cela. Avec cinq objectifs, d'abord un prince chrétien, tenant un premier rang dans l'État, considéré comme commandé et devant vivre avec des honnêtes gens. Et un cinquième point, devant passer quelque temps en son particulier. Cinquième point qu'instaure Dubois. C'est-à-dire que le prince doit bénéficier de temps libre. C'est invraisemblable pour le grand dauphin et pour Louis XIV. Mais c'est une inflexion dont Philippe saura se souvenir et que l'on reprochera également à Louis XV de se dissimuler face à l'application de Louis XIV. Donc dans ce temps vide, il faut tâcher de lui donner le goût pour les choses honnêtes et diminuer ce qui pourrait être opposé au caractère de prince chrétien et de prince tout court. L'objectif donc de prince chrétien est le premier objectif de Dubois. Pour cela, il a fait copier le catéchisme historique de Claude Fleury, sous-précepteur du Dauphin, dont on sait qu'il circule et qu'il a servi pour toute la génération et qu'il sera ensuite diffusé au public, je mets des guillemets, à public. Mais à cette époque-là, c'est assez rare de l'utiliser. Dubois ne présente pas, dans le programme qu'il propose, il ne présente plus de héros comme modèle, c'est bien la fin également des Alexandres et des Césars, mais il lui présente de vrais maréchaux, comme Turenne, comme exemple. Il présente ensuite une science expérimentale et, j'allais dire shocking, cartésienne. Le cartésianisme n'est pas encore accepté totalement à la cour à cette époque. Et il propose également, dans les deux ans qui restent, de travailler à expérimenter sur un miroir brûlant, des lunettes d'approche, un microscope, une lanterne magique. Donc vraiment une science expérimentale dont doit savoir se servir le prince. Dubois évoque également le temps de paix et pas que le temps de guerre pour un prince, qui ne doit pas être qu'un prince de guerre. Les connaissances, le plan d'éducation donc propose une durée précise pour chaque éducation. C'est un document de 88 extrêmement précis et le niveau à atteindre en quelques mois. En ce qui concerne les langues, le latin passe au second plan. Bon, il est nécessaire parce que les offices sont ordinairement en latin, dit-on, et que presque toute l'Europe l'entend. Mais il faut que le prince apprenne une autre langue, notamment parce qu'il lui faut lire des ouvrages qui ne se plaisent hors de leur langue naturelle. Donc, il doit apprendre l'italien et l'espagnol. Mais, phrase extrêmement intéressante, c'est en raison de l'occasion que l'on a de faire la guerre sur les frontières d'Allemagne, les généraux ont la nécessité de parler allemand. C'est le seul prince qui parle allemand à cette époque. Prince, je ne parle pas de généraux. Oui, mais il n'est pas prince. Excusez-moi. Là, pour le coup, j'ai ma supériorité. Pardon. Voilà, donc c'est le seul prince chez les princes qui va savoir des rudiments d'allemand, sa maman, bien évidemment, facilitant les choses. En ce qui concerne la pédagogie, on a des détails de pédagogie, je ne citerai qu'une chose. Dubois estime qu'il ne faut pas s'acharner à apprendre aux princes des choses totalement inutiles. Par exemple, il prend l'exemple de « on lui fera faire des fortifications régulières et des dedans et des dehors, etc. » On lui fera apprendre plutôt par raison, par raisonnement, plutôt que par une espèce d'opiniâtreté jusqu'à lui faire recommencer jusqu'à ce qu'il ait un dessin propre. Bon, en clair, si vous voulez, je vais le dire autrement. Donc, une fois qu'il aura compris les dedans, les dehors, les bastions, etc., une fois qu'il aura fait un petit schéma, on ne va pas refaire, il ne va pas faire du dessin technique. Je cite la suite. « Car on ne peut faire d'un prince un dessinateur et le temps est petit pour lui montrer ce qu'ils doivent savoir. » Donc, il note également le protocole des punitions. Évidemment, il se démarque de Montausier, ayant retenu l'exemple de la punition de Montausier face au grand dauphin. Il ne précise pas l'histoire de l'art. Cependant, le prince doit être initié à l'art, mais quelqu'un d'autre va s'en occuper, c'est l'abbé Morlaix, aumônier de Monsieur, qui fournit à cette époque un traité de morale pour l'éducation des princes, tiré des peintures de la galerie de Saint-Cloud, privilégiant bien évidemment Mignard, pour servir à l'éducation du duc de Chartres. Un prince doit être sensibilisé à l'art, mais plutôt au mécénat, reconnaître les bons auteurs. Et Olivier Leplâtre, qui est un littéraire, vient de travailler sur le traité de morale et il apporte une précision. Donc un prince doit connaître l'art qui lui enseigne, notamment dans cette galerie de Saint-Cloud, une certaine morale de la modération. À cette époque, il reçoit des cours, le duc de Chartres reçoit des cours particuliers sur l'Allemagne, évidemment des cours qui sont rédigés par des spécialistes de l'Allemagne, proches de Torcy. Il s'agit de Guillard et de Saint-Priest, ce qui veut dire que déjà à cette époque, Dubois est dans les réseaux Torcy. Il nous reste un abrégé d'histoire et de généalogie, 36 tableaux généalogiques que le prince devait sans doute savoir, puisqu'il y a une traduction dans la réalité de cet enseignement et de cet apprentissage. Le 21 septembre 89, Dubois convia très adroitement la famille d'Orléans à un examen public. Cet examen public n'a pas lieu à Saint-Cloud, il n'y aurait pas assez de notoriété, il a lieu à Versailles. Il y a un jury, je dis jury, mais ça ne se présentait pas comme ça, bien évidemment. Il y a un jury de diplomates spécialisés dans les principautés allemandes qui l'interrogent. D'Anjou germanophile est présent. Il dit que le duc de Chartres embarrassa tous ceux qui étaient venus l'interroger. Bon, il y a un peu de courtisanerie. Mais par contre, aucune courtisanerie dans les propos de l'ambassadeur de Brandebourg, Spanheim, qui assiste et qui, je passe les détails parce qu'il observe pour le compte de son prince et donc il n'a pas de compte à rendre aux familles françaises. Donc il montre un esprit de pénétration, de justesse et de discernement. On a véritablement un esprit brillant avec le duc de Chartres. Et il dit que, justement, il est brillant comme ça parce qu'on a eu soin de le former de bonne heure à mettre auprès de lui des personnes aptes à lui former les mœurs et l'esprit. Donc, Dubois a tenu son calendrier scolaire, son programme, ce que je n'ai sans doute pas fait. Et en même temps qu'il est jugé sur les résultats en 88-89, bien évidemment, ses appointements doubles, hein, il est noté au mérite, en quelque sorte. Dubois donc a su adapter ses méthodes d'enseignement et l'éducation se termine quasiment. L'éducation du prince se termine sans doute vers mai 90. C'est à ce moment-là qu'il y a une forme d'examen, vous mettrez toutes les guillemets qu'il faut, à la grande écurie, puisqu'il va montrer ses qualités de pratique équestre à la grande écurie. Et le 14 mai 90, Louis XIV récompense le gouverneur René Darcy en lui accordant le collier de l'ordre du Saint-Esprit, ce qui on considère que l'éducation est donc finie. Je voulais juste vous montrer que sous un petit tableau de ce charmant petit duc de Chartres, eh bien, vous aviez une information que je vous ai grossie là, mais vous n'y verrez rien, justement sur l'admiration lors de l'examen face aux ambassadeurs, mais on a plusieurs textes qui le montrent. Pour terminer, l'éducation se termine en 90, et évidemment, pour clore une éducation, on a un portrait. On a un portrait, donc, en armure, proche de... Et à partir de 90, le prince est prêt à partir à l'armée. Si l'éducation entre guillemets formelle est achevée, hein, puisque le programme de 88 est tenu dans le temps, dans les deux ans 88-90, si l'éducation est formelle, l'éducation en chambre est achevée, eh bien commence l'éducation militaire, qui est une autre éducation qui est tout à fait particulière. Et donc, selon l'expression, on dit que le prince doit se tirer de l'enfance et entrer dans le service militaire, bien évidemment. Et je ne parlerai qu'en quelques phrases de la campagne de 1691, où l'ensemble des princes partent au combat dans l'armée de Flandre. Et là, ce qui est très amusant, c'est que Madame Palatine a enserré son fils chéri dans un réseau d'observateurs qui doivent tous les jours lui envoyer des lettres. Et elle les dispute quand ils l'ont laissé tomber, dit-elle, comme une allumette. Donc, il a un ensemble d'informateurs extrêmement, extrêmement proches et qui l'enserrent dans un réseau. Et donc, par conséquent, on a plein d'informations que l'on n'avait pas précédemment. Dubois va chercher l'appui de Fénelon, de l'abbé Fénelon, qu'il connaît parfaitement et qui est évêque à cette époque-là, de l'évêque, pour se faire appuyer à la cour dès qu'on ose critiquer le duc de Chartres, parce que, soi-disant, Dubois se serait assis sur son lit dans sa tente et aurait mangé assis sur son lit. Donc il y aurait eu une familiarité, et c'est une familiarité que nous ne pouvons pas, nous, personnes du XXIe siècle, estimer, hein, juger à la hauteur vu les inégalités sociales. Mais c'est ce petit argument qui fait qu'en 91, Dubois va être attaqué par le groupe des amis de monsieur et va devoir s'appuyer sur Fénelon et l'ensemble des précepteurs qu'il a comme appui à la cour. Et Fénelon va aller voir Madame de Maintenon pour lui dire « Mais non, écoutez, Dubois est parfait. » Enfin, je résume mes trois pages. Voilà. Donc, à cette époque-là, l'éducation, je vous l'ai dit, n'est pas tout à fait finie. Bien évidemment, Dubois est là. Mais surtout, le sous-gouverneur est resté à la cour. Et il envoie, lui aussi, tous les jours, des lettres d'édification morale. Ce sont ces lettres qui sont publiées. Il y en a sans doute d'autres et j'aimerais les trouver. Mais ces lettres sont publiées en 1747 dans un recueil qui regroupe des lettres d'éducation des princes, aussi bien français et anglais, ce qui vous prouve l'importance de ce sous-gouverneur Fontenay-Nocé, hein, et non pas uniquement Dubois à sa part, mais pas uniquement. Hein. Et ces lettres donc tiennent, je dirais, au jour le jour la morale et le comportement du duc de Chartres. Alors, pour terminer, je vous ai donc, je l'espère, montré que le duc de Chartres a disposé d'un encadrement digne de son rang, à peine moins important que celui du grand dauphin, qu'en remettant une contextualisation à ces éducations, on voit ce qui nous intéresse ici, l'émergence de Dubois. Dubois n'est donc qu'un assistant en 79. Son importance s'accroît vers les 10 ans du prince. Il était alors isolé à la cour. Il cherche des appuis auprès des milieux préceptoraux et des collèges, puis du milieu ecclésiastique, puis des militaires. Et c'est ainsi qu'il monte les marches d'escalier qui ont été montrées auparavant. Il faut signaler l'âge de Dubois. Il a 30 ans, 32 ans. C'est l'un des plus jeunes de l'équipe. Il est clair qu'une vraie sociabilité s'est liée avec le jeune duc de Chartres. Il est clair que Dubois a de réelles qualités pédagogiques, qu'il a cultivées, qu'il a développées avec le milieu préceptoral princier. Il a une réelle intelligence de la situation et il a surtout une adéquation de caractère avec le duc de Chartres. J'ai parlé plusieurs fois de l'humour et de leur finesse, c'est évident. Ces deux cerveaux brillants s'attirent et se séduisent. Difficile donc de reproduire leur complicité indicible, leurs passions intellectuelles, si ce n'est, comme l'ont imaginé certains historiens, qu'en envisageant un gouvernement par des passions amorales. Parce qu'on ne peut pas reproduire leurs passions intellectuelles. Le projet pédagogique de Dubois s'est amplifié au fur et à mesure que se déployait l'intelligence du duc de Chartres. Il était très ambitieux. C'est sûrement l'une des éducations les plus complètes, les plus modernes et les plus abouties de cette fin du XVIIe siècle. Je vous remercie.